Message supprimé. Fin de message. Ouais, c'est moi le puceau. Je pue comme une puce et appuie comme mon seau. Il pleut des sauts de GB. Je fais des sauts pour les attraper. Il paraît très que je suis saut. Ce ne sont pas des sauts d'enfoirés complètement coincés. Au lieu d'accoster, je vais parler cam avec les potes d'à côté. À goûter un whisky jus d'orange pour se calmer, se rafraîchir, se réchauffer. Digérer une dure journée, faut pas trop se frotter à notre crew. On fait de l'électricité non statique, si puissante qu'en se connectant à nous. Une prise partie peut se déclencher. Je regarde la flamme de ma vodka, l'herbe de bison se déhancher. De l'herbe qui pousse en prison, je pousse le son en clan. Dans ma chambre, la teuf de grande s'affichait. Grand monte d'alcool ne peut pas être fiché. Je rejette trop d'alcool par rapport à l'air expiré. J'espère faire de la photosynthèse, je ne peux plus respirer. Prends-moi pas en photo, ça a empiré. Sous l'empire, l'emprise de ma folie, ton appareil va se suicider. Une bonne infusion absinthe de chier avant d'aller se coucher au lit. Tu vas loucher, surtout si tu lis le degré d'alcool, le pourcentage de chaleur dans la soirée. Et qu'est-ce que tu parles de présidentielle campagne? Qu'est-ce que tu parles de compagne, de chicha, chichon accompagné de frites? En campagne, tes deux bœufs que récoltent mes potes sont plus grosses que nos bêtes rassemblées. Trop de champagne, je sais pas à quoi demain matin je vais ressembler. J'aimerais tout rassembler, les morceaux de ma mémoire. Non, les drogues, connard. J'ai failli me couper les veines, je frôle farandole, faribol, rien ne drôle avec l'alcoolisme. Même si ce que je préfère, c'est le vandalisme. J'aspire à fumer le THC, odeur la cervelée me fait voler, décalé dans l'atmosphère et me fait planer. Fais le tour de la terre, sort de la troposphère pour faire l'idéosphère. J'en fais dans une sphère, c'est du THC, elle me fait rêver, elle me fait voyager. Va au 7ème ciel, fais le tour de la galaxie pour oublier la vie, pour oublier ma vie. J'en fais dans une sphère, c'est du THC, elle me fait rêver, elle me fait voyager. Va au 7ème ciel, fais le tour de la galaxie pour oublier la vie, pour oublier ma vie. J'en fais dans une sphère, c'est du THC, elle me fait rêver, elle me fait voyager. Va au 7ème ciel, fais le tour de la galaxie pour oublier la vie, pour oublier ma vie. Let's go! Let's go!